Je veux marcher sur la lune, je veux jumer le pare-balles. T'écoute-moi, pour toi j'allume. J'ai pas mis à fond vers la piscine, la soli et la vis. En mode, je fais des TP, je vais vite, voyage, je fais des khalis. C'est rallye, je veux me caler. Chiquez-moi, je veux ralasser. Chiquez-moi, je veux me tailler. Oh, cette chose pour ramasser. Avant que c'est vous, c'est Black Market. J'ai mon cœur, compris ce style. Je les kill, ça y est, je suis le mille. On kill ma fille, voilà pourquoi les îles. Wesh la zin zin, là-bas la frasine, si la bande de critiquer que vient dans la cuisine zin. Combien de pétous t'as fumé, combien de plaques t'as coupé. Tu bois aux gens que t'as tout fait, le pouvoir du plat t'as battu. J'sais plus, j'vivais dans un même carré. J'ai mis la cagoule au quartier, c'est carré. Font les gros sapins, c'est taré. Ah, les siffles, au carré de l'âge. Prêt à taille, c'est mon collègue dans le bloc en train de ramasser. Benga, benga, oh, demande Gambino Toto. C'est nous qu'on tient le bronc, c'est nous qu'on part à l'assaut. Faites cramer toi tes babos, tiens la frappe dans le naseau. Car c'est nord, tu pars de là, 1, 2, 3, on donne l'assaut. Toc, toc, toc, c'est la porte de Benga. Ah, allez-y, va à la porte de Benga. Y'a trop de traite, y'a trop de rebenga. Oh, freestyle devenu pour les choquer. Oh, je vais arriver, je vais repartir en fusée. Oh, toc, toc, toc, c'est la porte de Benga. Ah, allez-y, va à la porte de Benga. Y'a trop de traite, y'a trop de rebenga. Wesh MC, j'te nique au mot comme Mike. J'veux le monde de cognon, t'es plus la journée, ma paire de Nike. J'attaque ma caca au Mike, prépare-toi nous en attaque. J'ai vu mes frères déférer poteau, parti par la bac. Allez c'est bon écoute, trader aucun sur écoute. Avant d'enlever la vie poteau, va voir combien écoute. Putain, j'veux me barrer, trouver un coin calé. C'est l'ami que tu aimes le plus, qui pour rien jure t'la. Je j'suis comme toi, j'ai ma famille, ma dame, une parole, gogole. La donne, chacun sa parole, gogole. À quoi ça sert de mettre une cagoule si demain tu finis en tol. Viens c'est fou comme on a galéré. Nos darons ont galéré. Tu vois rien et valeureux. On prend du check, laissez-nous rêver. T'es c'est fou comme on a galéré. Nos darons ont galéré. Tu vois rien et valeureux. On prend du check, laissez-nous rêver. Toc toc toc, c'est la porte de Benga. Ah, allez-y, va à la porte de Benga. Y'a trop de traite, y'a trop de rebenga.